Chapitre 6e. 9 heures venaient de sonner à l'église de Fin. Le son grêle de l'horloge, après avoir longé les lisières des bois encore imbibées de la rosée matinale, était entré par la fenêtre ouverte de la chambre de Germain, mêlé au claquement de fouet des remorqueurs de bateaux, au nasillement des canards et au bruit sourd des fouets abattant les herbes des prés. Germain, le pied sur une chaise, bouclait ses guêtres et se disposait à partir pour les bois, quand un roulement de roues fit crier le gravier de la cour, et il crut reconnaître le piaffement des petits chevaux corses qu'on attelait d'ordinaire au panier. Il se leva, dressant l'oreille. Quelques secondes après, un pas furtif, et si léger qu'il semblait à peine frôler les marches de l'escalier, monta vers lui en se rapprochant toujours. Le frôlement cessa sur le palier, et on frappa timidement à la porte. « Entrez » cria-t-il d'une voix impatiente. Laurence apparut sur le seuil vêtu de sa petite robe noire. Une voilette couvrait à demi son visage très pâle, et sur sa poitrine, agitée par l'émotion et par la montée de l'escalier, elle serrait nerveusement un objet enveloppé dans un journal. « Vous ici ?» murmura Germain interdit. « Hyacinthe est en bas, » répondit-elle comme pour s'excuser de sa hardiesse. « Je suis montée seule parce que je désirais vous parler en particulier. Entrez et fermez la porte. Qu'avez-vous à me dire ?»« Je viens vous demander la permission de partir. »« Partir ?» Il la regarda stupéfait. « Et où voulez-vous aller ?» Dans la seule maison où je puisse vivre sans être à charge à personne, chez ma mère. Ah, qui vous fait supposer qu'ici vous soyez à charge à quelqu'un? On est toujours à charge aux gens quand on mange leur pain, sans leur être utile ni agréable. Je me rends justice. Je sais que je n'ai plus votre affection ni votre estime, que vous ne me gardez que par condescendance pour l'opinion publique et pour obéir aux convenances. Et vous trouvez que cela est injuste? Je ne me plains pas. Je sais que vous aviez le droit d'agir encore plus rigoureusement que vous ne le faites. Seulement, vous eussiez été moins cruel, en me chassant tout de suite, qu'en me réduisant à cette condition humiliante. La punition est trop dure. J'ai patienté pendant des mois, parce que je croyais toujours... » Elle s'interrompit brusquement et rougit en s'apercevant qu'elle allait se trahir. Germain avait levé la tête et regardé sa femme droit dans les yeux, comme pour chercher à lire dans ses prunelles humides le complément de sa pensée. « Poursuivez, » dit-il. « Que croyez-vous ? Je croyais que j'aurais la force d'accepter votre mépris comme une pénitence, de mettre de côté mon orgueil, de supporter avec patience cette situation qui n'est ni d'une épouse ni d'une servante. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. » Sa voix devenait moins ferme. On devinait qu'elle faisait un effort pour comprimer les sanglots qui menaçaient de monter jusqu'à ses lèvres. Germain avait détourné la tête et il regardait obstinément du côté du mur. Il y eut un silence. Au dehors, le grincement d'une fouet aiguisée par un faucheur montait par intervalles jusqu'au fond de la petite chambre où les mouches bourdonnaient dans un rayon de soleil. « Je ne suis pas un croque-mitaine, » reprit Germain, d'une voix un peu altérée. « Mon intention n'est pas de vous garder prisonnière, et vous pourrez partir quand le cœur vous le dira. Je partirai demain. Mais avant de m'en aller, j'ai à vous rendre compte de l'argent que vous m'aviez donné pour la maison. » Elle déplia le paquet qu'elle tenait serré contre sa poitrine et en tira le vieux registre de Mademoiselle Lénette. « Voici mon livre de dépenses, » continua-t-elle, « et voici l'argent qui reste. » Elle posa le registre et un petit rouleau d'or sur la table, tandis que Germain faisait un geste comme pour se défendre de rien exiger de pareil. « Pardon, » dit-elle en insistant, « je tiens à ce que vous sachiez que tout est en ordre chez vous. » La frogne cadet s'est élevée et se promenait lentement dans l'étroite chambrette, la tête penchée, le dos arrondi. Quand il arriva près de la fenêtre, il murmura sans se retourner, « c'est demain ?» « Irrévocablement ?»« Oui, demain, je prendrai le train de 10 heures. » Elle hésita encore un moment, attendant toujours un mot de lui, et ne voulant pas le quitter sans une dernière parole affectueuse. Mais il ne bougea pas. Les larmes emplissaient les yeux de Laurence. Elle n'osait plus parler. Elle se borna à balbutier. « Adieu, monsieur. » Mais si bas, si indistinctement, qu'on eût dit plutôt un commencement de sanglots qu'une parole articulée. Puis elle ouvrit la porte, et descendit lentement l'escalier. Quelques minutes après, on entendit de nouveau les chevaux piaffer et le panier rouler sur la route. Germain alors se retourna. Ses traits énergiques s'étaient violemment contractés. Il aperçut le livre de compte sur la table, et se rasseyant d'un air sombre, il l'ouvrit machinalement. Tout à coup, il se sentit secoué par une profonde émotion intérieure, qui se traduisit par un léger tremblement des lèvres et du menton sous sa barbe touffue. Il avait reconnu le livre de raison de la famille, le vieux registre à couverture de parchemin, où successivement Jean Toiré et la tante Lénette avait consigné les dépenses et les événements mémorables de la maison. En tournant les feuillets, il tomba sur une page au-delà de laquelle on lisait, écrit de la main de Mademoiselle Lénette : « Aujourd'hui, 23 mars 1822, est né mon neveu Germain Lafrogne. » Il lui sembla qu'il découvrait, enseveli sous les feuilles mortes de mains étées, tous les souvenirs de son enfance, depuis le jour où, revêtu de sa première culotte, il avait été traîné par la tante à l'école des Sœurs de la Doctrine, jusqu'à cette glorieuse matinée où, suivi de son chien Fanor, il avait commencé sa première chasse dans la plaine de Véel, radieuse de soleil. Il tournait lentement les pages jaunies. Sur certains mots, des grains de sable bleu, ayant séché avec l'écriture, jetaient encore au soleil le scintillement de leurs paillettes métalliques, tandis que depuis bien des années, les mains qui avaient semé ces pincées de poudre gisaient, décharnées et rigides, sous le sable du cimetière. Germain reconnaissait au passage la grosse écriture noueuse du père Thoiret, la bâtarde sévère et proprette de la tante. Puis, au verso d'un feuillet, il arrivait aux caractères élégants et fluets de Laurence. À côté des larges écritures commerciales, ses lettres délicatement penchées et bouclées avaient l'air de fleurettes mignonnes poussant aux marges d'une allée de gravier. Il se mit à les déchiffrer attentivement, oubliant l'heure qui s'avançait et le soleil qui entrait à flot par la fenêtre grande ouverte. Il en remarquait, non sans un sentiment de surprise attendrie, avec quel soin minutieux et presque pieux la maison avait été dirigée pendant cette période de la vie de Laurence. Rien n'avait été négligé, elle avait pensé à tout. À l'ordonnance des lessives, au renouvellement des fleurs plantées sur la tombe de Mademoiselle Lénette, au menu préféré de Hyacinthe et surtout à son bien-être, à lui, Germain. À chaque page, les préoccupations du mari absent se trahissaient par un léger détail. Les vêtements chauds préparés en pacté pour Rambercourt dès la fin octobre. Le linge frais envoyé à la ferme chaque semaine. Même certains pâtés de viande froide, commandés à Catherinette et expédiés par Hyacinthe les jours des grandes chasses au bois. Elle n'avait point passé un jour sans s'occuper de lui. Il feuilletait de plus en plus lentement, et il allait ainsi jusqu'à l'endroit où l'écriture s'arrêtait brusquement à mi-page. Là, en guise de signet, il y avait quelques feuilles de rose éparpillées, à demi desséchées déjà, mais exhalant encore un parfum discret et assourdi comme l'adieu que Laurence avait soupiré tout à l'heure en s'éloignant. Et c'était fini. Personne maintenant n'aurait plus le courage de rien inscrire sur les pages restées blanches. Le vieux livre de raison que l'aïeul avait légué à ses enfants et que Laurence avait considéré comme un devoir de tenir au courant, personne ne le continuerait plus. À quoi bon? Ces livres-là ne sont précieux que pour les familles qui se perpétuent, et Hyacinthe et Germain mourraient sans postérité dans leur morfondante solitude de célibataire. Tout était dit maintenant. Laurence allait partir, et une fois la jeune femme envolée, la maison redeviendrait le logis maussade et silencieux des deux Barbeaux. Il n'aurait plus qu'à brûler le vieux registre, de peur qu'après eux, on ne le vendît dans un lot de papier inutile et que quelques boutiquiers ne fît des cornets avec les feuillets pleins de l'écriture du grand-père, de Lénette et de Laurence. Personne ne pouvait voir ce qui se passait dans la petite chambre haute. Personne que les fauvettes sautillant dans les pruniers d'en face ou les hirondelles passant et repassant devant la fenêtre. Aucun regard indiscret ne surprit donc ces deux larmes qui roulèrent des yeux de Germain et se perdirent dans sa barbe. D'ailleurs, il avait baissé la tête tout contre le registre, comme pour cacher son émotion, même aux oiseaux du jardin. Il la tenait si près, des pages jaunies, si près, que tout à coup ses lèvres se posèrent sur les feuilles de rose séchées, et que le rude chasseur y mit un baiser. Pendant ce temps, au trot des deux chevaux corses, le panier ramenait Hyacinthe et Laurence à Viotte. Ils échangèrent peu de paroles durant la route. L'aîné des Barbeaux poussait de profonds soupirs. La jeune femme faisait d'énergiques efforts pour rester calme. Dès qu'on fut arrivé rue du Bourg, Laurence écrivit à sa mère et se prépara pour le départ. Elle n'emportait que son modeste trousseau de jeune fille et ses bagages furent bientôt prêts. Vers le soir, elle fit ses dernières recommandations à Catherinette et pria son beau-frère de monter chez elle pour l'aider à ficeler ses malles. Tandis que le bras bien sainte, tout contrit, mais n'osant s'opposer à un départ qui avait été approuvé par Germain, assujettissait et nouait les cordes en conscience, Laurence étiquetait les clés des armoires et des placards. « Tout est en ordre, » dit-elle, quand Hyacinthe eut achevé sa besogne. « Voici les clés. Elles sont numérotées et vous y reconnaîtrez facilement. » Elle lui tendit le trousseau, mais les doigts de Lafrogne aîné étaient si courts et tremblants que le paquet de clés glissa de ses mains et tomba bruyamment sur le parquet. Ce bruit de ferraille fut si étourdissant qu'ils n'entendirent pas qu'on frappait à la porte. On tourna le bouton, Et Germain entra, rouge, poudreux, tout échauffé par la marche et le soleil. Il regarda les caisses ficelées et alignées le long du mur. « Ainsi, dit-il à Laurence, qui était devenue pâle, vous êtes bien décidé à partir. Il le faut, balbutia-t-elle. Eh bien, s'écria-t-il, en ce cas, nous partirons ensemble. Il n'est pas convenable que ma femme voyage seule. » Les yeux noirs de Laurence s'ouvrirent tout grands. Elle tremblait et n'osait pas comprendre. Mais Hyacinthe, lui, avait déjà compris, et secouant vivement la main de son frère. « C'est bien, cadet, s'exclama-t-il. Allons, embrasse-la. » Laurence s'était déjà jetée dans les bras de son mari, et la tête roulée sur la large poitrine du robuste chasseur, elle fondait en larmes. Laurence et Germain voyagèrent pendant 5 mois. Quand ils rentrèrent à Biote, en décembre, l'émotion causée par tous les événements que nous venons de conter avait eu le temps de se calmer, et les deux époux reprirent tranquillement possession de leur maison de la rue du Bourg. M. Xavier Duprat ne reparut plus à Viotte, mais l'aventure désagréable qui avait marqué ses débuts dans la magistrature ne l'empêcha pas de faire un joli chemin. Il appartenait à l'école de ces jeunes doctrinaires, qui joignent beaucoup de morgue à beaucoup de souplesse, et qui, ayant plus d'ambition que de principe, ne sont jamais gênés par leurs opinions ou par leur conscience. Déjà substitué avant la guerre, il retrouva en 1871, dans les ministères et à l'Assemblée nationale, quelques anciens camarades de sa conférence, dont l'influence était toute puissante, et à l'aide desquels il sut se faire pousser un siège de procureur en attendant mieux. Son éloquence rigide est en grande faveur à la cour de X, et quand il prend la parole dans une affaire criminelle compliquée d'adultère, les réquisitoires de ce magistrat inflexible font frissonner les coupables sur leur banc et dilatent le cœur des jurés. Parfois, l'honnête Hyacinthe, qui a gardé l'habitude de feuilleter la gazette des tribunaux, tombe sur une de ces virulentes répliques de M. le procureur Duprat, et la lecture de ces phrases pompeuses sur la perversion des mœurs contemporaines et le mépris des saintes lois de l'honneur et de la morale a le don de le mettre de mauvaise humeur pour le reste de la journée. Il rougit jusqu'au blanc des yeux, et on l'entend s'écrier en plein cercle, en froissant le malencontreux journal, « Hypocrite, vile sycophante !» Heureusement, l'aîné des Barbeaux trouve dans la maison de la rue du Bourg de douces compensations, qui lui font vite oublier la saveur amère de ce calice. Il est devenu oncle. Quelques mois après le retour des deux époux, la jeune madame Lafrogne a mis au monde un garçon qu'on a nommé Claude, comme le grand-père Lafrogne, et qui était tenu sur les fonts baptismaux par Hyacinthe et par madame de Coulaines. Le nouveau-né est vigoureux et rablé. Tout annonce, à le voir pousser dru, que ce sera un gars solide et que le nom de Lafrogne ne disparaîtra pas de sitôt de l'état civil. Grâce à lui, la maison des deux Barbeaux connaît de joyeux tapages, dont les vieux couloirs et les hautes solives avaient perdu l'habitude depuis plus de 40 ans. Hyacinthe en est ragaillardi, et quand, par un clair soleil, il promène dans ses bras le marmot devant la façade de la rue du Bourg, les sirènes des fenêtres et les chérubins du portail semblent même rajeunis par l'arrivée de ce jeune hôte. Ils lui souhaitent la bienvenue de haut de leur chapiteau de feuillage, et le bambin émerveillé échange des risettes avec ses faces joufflues et ses bouches que le rire fend jusqu'aux oreilles. Ainsi s'achève La maison des deux Barbeaux par André Theuriet.